Êtes-vous populiste ou élitiste? Libertaire? Étatiste? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 15e épisode du Space Montaigne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne pour cet épisode qui sera consacré à « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» de Régis Debray. Tout de suite, premier extrait. Opposer la République à la démocratie, c'est la tuer. Et réduire la République à la démocratie, qui porte en elle l'anéantissement de la chose publique, c'est aussi la tuer. Comment les démêler s'ils sont indissociables? Selon quels critères idéaux? Tout gouvernement, pour borné que soit son horizon, repose sur une idée de l'homme. Debray attaque avec une petite introduction sur comment il va aborder son sujet. Il part d'un postulat, qui est le sien, hein, et qui a sa cohérence. Chaque gouvernement est basé sur une idée qu'il se fait de l'être humain. Et celui-ci, selon qu'il est envisagé de telle ou telle manière, va aboutir à telle ou telle politique. Et en l'occurrence, la dichotomie qu'il va nous présenter dans cet article est celle des gouvernements démocrates et des gouvernements républicains. Il existe bien d'autres leviers sur lesquels l'on peut jouer pour analyser les sociétés. Hein. Pour cela, je vous renvoie à tout ce que j'ai déjà pu déblatérer sur l'analyse des binarités constellation-révolution, progressiste-conservateur, ou bien sûr gauchiste et droitard, qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous nous penchons sur démocrate et républicain. Alors quelle est, pour ces gouvernements, l'essence de l'être humain? Même s'il ne le sait pas, le gouvernement républicain définit l'homme comme un animal par essence raisonnable, né pour bien juger et délibérer de concert avec ses congénères. Libre est celui qui accède à la possession de soi, dans l'accord de l'acte et de la parole. Le gouvernement démocratique tient que l'homme est un animal par essence productif, né pour fabriquer et échanger. Libre est celui qui possède des biens, entrepreneur ou propriétaire. Ici, donc, la politique aura le pas sur l'économie. Et là, l'économie gouvernera le politique. Les meilleurs en République vont au prétoire, les meilleurs en démocratie font des affaires. Le prestige que donne ici le service du bien commun, ou la fonction publique, c'est la réussite privée qu'il assure là. Debray explicite au début de son texte ce qu'il juge comme une différence fondamentale, presque séminale, entre ces gouvernements. Une vision républicaine juge ces sociétaires pensants, des êtres humains aspirant à être libres, en se déterminant et en faisant partie d'un tout. Une vision démocratique juge ces sociétaires faisants, des êtres humains aspirant à être libres en échangeant et en se réalisant. Ce qui lui permet de trouver le premier corollaire de son postulat. La République met la politique avant l'économie, la démocratie met l'économie avant la politique. Cela peut sembler un peu rapide, hein, et ça l'est sûrement un peu, car je le soupçonne d'avoir fait son cheminement à rebours, et d'avoir remonté à la base en ayant sa conclusion d'avance. Il faut donc se garder de le lire aveuglément. Malgré tout, il y a quelques idées fort intéressantes, et qui peuvent nous permettre, une fois n'est pas coutume, de comprendre pourquoi les gens autour de nous s'étripent durant les repas de famille, car ils ne semblent pas comprendre pourquoi ils sont en désaccord. Et en l'occurrence, on peut reprendre sa grille d'analyse démocratie-république pour chercher qui est qui durant une énième discussion houleuse sur le port du voile après avoir anéanti 3 cubits de rosé. Bref, revenons à nos boulons et voyons avec Régis comment développer sur cette différence démocratie-république qu'il vient de poser. En République, la liberté est une conquête de la raison. La difficulté est que si on n'apprend pas à croire, il faut apprendre à raisonner. C'est dans le gouvernement républicain qu'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Une république d'illettrés est un cercle carré, parce qu'un ignorant ne peut être libre, participer à la rédaction ou prendre connaissance des lois. Une démocratie, où la moitié de la population serait analphabète, n'est nullement impensable. Elle peut fonctionner, selon la lettre, dans une relative indifférence, en se confiant à la froide objectivité de textes juridiques. 50% d'abstention aux élections privent une république de substance, mais n'entament pas une démocratie. Debray est ici un peu plus clair dans ses choix, hein. On peut pas dire qu'il juge avec autant d'impartialité la république et la démocratie. Mais bon, admettons, au moins il l'affiche. Ce qu'il nous dit là est que la République s'apprend. Elle est un objectif et un cheminement. Elle met donc l'éducation au centre de son action, car pour raccorder avec ce qu'on disait en introduction, elle juge que ses sociétaires sont pensants. Il faut donc faire quelque chose de sa pensée. La démocratie, elle, est un fait. Elle n'a pas besoin d'être apprise, car elle est une collection. À partir du moment où vous mettez plusieurs personnes dans une pièce et que vous leur donnez un pouvoir de s'exprimer, cela devient une démocratie. Et cette divergence de considération mène à un autre point, la légitimité. Puisque la République est un tout et se donne un rôle à la hauteur de ce tout, elle doit être légitimée par le vote, et donc elle doit fonctionner pour pouvoir fonctionner. Sinon, elle y perd sa crédibilité. La démocratie, elle, n'a pas d'autre but que de fonctionner pour fonctionner. Alors si le jour de l'élection, personne ne s'y pointe, bah tant pis, hein, après tout, on leur avait laissé le choix. En République, l'État surplombe la société. En démocratie, la société domine l'État. La République tempère l'antagonisme des intérêts et l'inégalité des conditions par la primauté de la loi. La démocratie les aménage par la voie pragmatique du contrat, de point à point, de gré à gré. Au règne des fonctionnaires, là où l'État a assuré la régulation sociale, s'oppose le règne des juristes, là où la règle advient par le local et le privé. Et en voilà un point qu'il est intéressant. Et je suis sûr d'ailleurs que petit à petit vous êtes en train de vous caser dans l'une de ces deux tendances. Hein. Mais rassurez-vous, Régis sait déjà dans quelle boîte vous mettre, vu que son introduction c'était « Selon que vous êtes pour ou contre le voile à l'école, on peut savoir si vous êtes démocrate ou républicain ». Et je dois confirmer que bah, ça marche le plus souvent, même si ce n'est pas une science exacte, hein, vu que l'être humain trouve toujours un moyen de faire n'importe quoi. Bref, je disais donc, voilà un point intéressant. La République est un État qui gère ses sociétaires. Elle a pour objectif de faire descendre son pouvoir afin de réguler les divers échanges entre ses citoyens. La démocratie est un ensemble de sociétaires qui s'équipent d'un État. Elle a pour objectif de faire monter les nécessités afin de créer un corpus qui facilitera l'échange entre individus. Pour le dire encore plus simplement, vous avez d'un côté un système républicain où une autorité énonce des devoirs. Vous avez de l'autre côté un système démocratique où des individus établissent des droits. La République, comme son nom l'indique, favorise la fonction publique, car c'est sa mission. La démocratie, comme son nom ne l'indique pas du tout, préfère charger ses sociétaires de la responsabilité de mettre leurs fonctions où ils le souhaitent. En somme, la République est un grand œuvre ayant de grands desseins. La démocratie est un ensemble d'œuvres avec une multitude d'esseins. La République aime l'égalité. Il s'agit de proportionner les conditions et les récompenses. Éternel problème, dont la solution toujours précaire appelle l'interminable combat pour la justice. L'égalité sociale n'est pas au programme de la démocratie. Sous le terme d'égalité, le démocrate peut se contenter de l'égalité juridique devant la loi, mais le républicain y ajoute obligatoirement une certaine équité des conditions matérielles, sans lesquelles le pacte civique devient, à ses yeux, un faux-semblant léonin. Distinction toujours entre les notions de liberté et d'égalité. Un autre point extrêmement intéressant que l'on pourrait facilement résumer par « La République, c'est l'égalité, la démocratie, c'est la liberté ». Et une fois de plus, c'est un peu rapide, mais ce n'est pas non plus impertinent. Hein. Le fait est que les deux notions s'opposent sans cesse, même si elles font toutes deux partie de la devise du pays dans lequel je commets ces émissions bien trop longues. La République, considérant le rôle de l'État, a pour fonction de niveler et de proportionner les capacités de ses sociétaires. Elle doit le faire, car sinon, l'inégalité profitera toujours à quelques-uns, aux dépens du plus grand nombre. La démocratie, considérant la présence des individus, a pour objectif de permettre aux sociétaires de vivre et laisser vivre. Elle établit une certaine égalité tout de même, notamment lorsqu'il est question de valeurs, mais tant que vous n'avez pas tué votre voisin, bah, elle vous laissera faire ce que bon vous semble, car elle n'a pas de leçons à vous donner. Pour la République, la liberté nuit à l'égalité, car celui qui tape le plus fort gagnera toujours. Pour la démocratie, l'égalité nuit à la liberté, car celui qui tape le plus fort mérite de gagner. L'idée universelle régit la République. Chaque député l'est de la nation entière. L'idée locale régit la démocratie. Un représentant l'est de sa seule circonscription. La République proclame à la face du monde les droits de l'homme universels, que personne n'a jamais vus. La démocratie défend les droits de ses administrés, droits acquis par des collectivités bien limitées, mais réelles. Car l'universel est abstrait, et le local concret. Ce qui confère à chaque modèle sa grandeur et ses servitudes. La raison étant sa référence suprême, l'État, en République, est unitaire et par nature centralisé. Il unifie par-dessus clocher, coutumes et corporations les poids et mesures, les patois, les administrations locales et les programmes scolaires. La démocratie, qui s'épanouit dans le pluriculturel, est fédérale par vocation et décentralisée par scepticisme. Et effectivement, les droits universels de l'humain, bah, on les a jamais vus, hein. Alors que le droit à louer une place de parking pour se garer en bas de ton lieu de travail, lui au moins, bah, il est bien réel. Et c'est une autre distinction, inférée par le rôle de l'État, qui mène à cette perspective. La République est une et indivisible. Elle est globalisante et intégrative. La démocratie est plurielle. Elle est particularisante et agrégative. Ce qui fait que les sociétaires de la République rejetteront toujours la discrimination positive, les passe-droits ou le favoritisme religieux. Car cela constituerait des exceptions qui mèneraient à considérer les citoyens comme divers et donc à instaurer des droits inégalitaires. Alors qu'à côté, les sociétaires de la démocratie rejetteront toujours l'égalitarisme, la planification centralisée ou l'autocensure, car cela freinerait la libre détermination des individus et n'avantagerait au fond qu'une idée de l'être humain, qui est peut-être très belle, hein, mais qui n'a aucune réelle existence. Conclusion. Comme nous le dit Régis, les distinctions entre la République et la démocratie ne sont pas simplement des querelles de mots, mais un quiproquo de principe. Car les humanistes de l'un et de l'autre camp, les sauveurs de la nation en péril ou les pourfendeurs de consensus mou, se trouvent sans trop forcer du côté république comme du côté démocratie. Seulement, ils ignorent bien souvent les substrats de ce qui les divise, pour se concentrer sur une affaire de foulard, de mariage ou de méthode syllabique. Mais grâce à ces quelques notions de décryptage, vous êtes désormais parés pour passer à l'étape suivante, qui est de repérer les discours politiques qui mélangent complètement les deux, en espérant en tirer quelque chose de cohérent. Bah, croyez-moi, c'est pas facile. Pour résumer ce que Debray distille, concluons avec des formules bien trop ampoulées. La République est un modèle d'intégration tendant à l'universel, favorisant l'égalité. La démocratie est un modèle d'agrégation tendant au pluriel, favorisant la liberté. Choisissez votre camp, ou pas. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 15e épisode du Space Montaigne consacré à « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» de Régis Debray. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes et à vous demander si c'est l'opinion d'un démocrate ou d'un républicain. Vous allez voir, c'est rigolo. Je vous retrouve très vite.